Geneviève, ça a foiré. Juliette, ça a foiré. Samantha, ça a foiré. Eva, ça a foiré. Magali, ça a foiré. Emma, ça a foiré. Gwen, ça a foiré. Marie, ça a foiré. Un peu de lucidité. Dans ta tête, vieux fauché. Faut bien l'avouer, depuis que tu es né, tout a foiré. Megan, ça a foiré. Marion, ça a foiré. Inès, ça a foiré. Clémentine, ça a foiré. Lorelai, ça a foiré. Perrine, ça a foiré. Camille, ça a foiré. Mélanie, ça a foiré. Un peu de lucidité. Dans ta tête, vieux camé. Ta graisse dans les bars, les filles ne veulent plus te revoir, tout à foire.